Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier podcast Football Right spécial Coupe du Monde. On est le samedi 12 juin, il est à peu près 10h et c'est maintenant à moi de vous présenter les deux intervenants qui parleront foot avec nous aujourd'hui. Comme à chaque podcast, il y a à mes côtés Baptiste Morin. Salut Baptiste. Salut Albertine, salut Arnaud, salut à tous. Et notre invité du jour est Arnaud, webmaster du site footballdatabase.eu, une des plus grandes bases de données du football qu'on vous invite bien évidemment à aller consulter directement. Salut Arnaud. Salut tout le monde. Alors pour ce premier podcast, on a bien évidemment décidé de parler des matchs du jour, notamment le premier match de cette Coupe du Monde qui opposait le pays organisateur l'Afrique du Sud au Mexique dans le groupe A. Messieurs, un premier mot sur le match, Arnaud par exemple. C'était un match assez intéressant, pour un match d'ouverture en tout cas, on n'a pas toujours été habitué à ce genre de match assez ouvert. Et au final, un partout qui reflète à mon avis assez bien la physionomie du match. Tu partages cet avis, Baptiste ? Ouais, c'est vrai. Et puis une équipe d'Afrique du Sud vraiment plaisante, parce que je ne m'attendais vraiment pas à ce niveau de jeu, mais intéressant. Donc, il avait réussi à être à la hauteur de l'événement, malgré que sa qualification soit due juste à son titre de pays organisateur. Il faut rappeler qu'elle a une place dans le classement FIFA assez moyen. Alors, on va commencer par parler un peu de l'Afrique du Sud. Comme Baptiste a dit que c'était une équipe qui l'avait surpris. Parce que voilà, ça va être, comme le Mexique, un futur adversaire de la France. Moi, j'ai été surtout impressionnée par cette équipe au niveau de l'intensité physique. Ils ont toujours su répondre présent. Bah c'est un peu le propre d'une équipe d'Afrique, souvent le physique qui est leur caractéristique première. Et non, une équipe intéressante et ils vont pas. Moi, je pensais qu'ils seraient là juste dans le groupe pour un peu colmater les brèches, mais en fait, ils vont vraiment jouer le coup à fond parce qu'ils sont capables d'aller embêter l'Uruguay et le Mexique qui n'a pas été fantastique. C'est vrai qu'ils ont été quand même assez impressionnants physiquement, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont eu quand même. 3 mois, voire 4 mois de préparation intensive, parce que leur championnat s'est terminé début mars. Et forcément, le fait de jouer tout le temps ensemble, ils ont eu 10 matchs amicaux depuis le début de l'année, forcément ça joue à un moment donné en leur faveur. Pour moi, un des joueurs que j'ai trouvé les plus impressionnants, c'était le buteur hier, Chabalala, qui est d'ailleurs milieu gauche de cette équipe, et qui m'a vraiment impressionné. Toute l'équipe est assez impressionnante au niveau du physique et lui, il est capable, ils sont pas énormément dans l'équipe à pouvoir mettre des 100 mètres comme ça, mais ce qu'il a mis sur le but, c'est quand même assez impressionnant. Ouais, surtout la qualité de la frappe qui va pleine lucarne. Non, en beaucoup de courses, c'est le truc. Nous, on n'est pas enfin, en équipe de France, on voit pas souvent ça malheureusement. Et la construction sur le but est quand même à noter parce que. Non, je ne m'attendais pas à ce genre de jeu de la part de l'Afrique du Sud. C'est vrai qu'il joue beaucoup dans la profondeur. On a pu le voir dans les matchs amicaux aussi où Mfela, leur buteur, était souvent appelé justement dans la profondeur. Là, ça a marché avec Tchouaméla. Ça a failli marcher avec Modissé vers la fin. Et ça a failli marcher avec Modissé par la suite, effectivement. Parce qu'ils ont créé quand même pas mal d'occasions. Bah surtout, ils ont profité en deuxième période du fait que le Mexique n'avait pas concrétisé les actions et leur suprématie en première période parce que l'Afrique du Sud était quand même bien impressionnée dans les 45 premières minutes. Et en même temps, les comprendre, 85 000 personnes qui criaient pour eux, c'est quand même impressionnant. Mais ils ont profité des petites hésitations du Mexique et d'une équipe qui était un peu vraiment en dessous de ce que j'attendais. Parce qu'avec 11 matchs de préparation, et on les annonçait comme sûrement ceux qui pourraient faire le plus de mal, même au-dessus de l'Uruguay, et là on est un peu déçus. C'est vrai qu'il y a de quoi être déçu par le Mexique, étant donné qu'ils ont quand même un 11 de départ qui est assez clinquant. Et au niveau de la construction notamment, j'ai trouvé beaucoup de lacunes, surtout de la part de joueurs qui ont beaucoup de talent, comme Giovanni encore, lui, était pas mal, mais Carlos Vela qui a été assez transparent. Et Dos Santos, qui était le seul à essayer de créer, sur le côté droit, c'était quand même... Les seules actions qu'ils ont eues, c'était des petits éclairs de génie, juste des petites accélérations. Et je crois que c'est Giovanni qui a failli mettre une frappe en pleine lucarne. Il y a eu Kouné, qui est le goal sud-africain, qui était super bon. Donc, on rappelle qu'il y a eu après une réduction du score par le Mexicain Rafael Márquez. Est-ce que quand on revient sur le match, vous trouvez que c'est comment dire, 1-1, c'est un résultat logique ou l'Afrique du Sud méritait mieux ou 1-1 vous paraît normal? C'est complètement justifié étant donné que le Mexique a quand même dominé... la première période. Ouais, même 60 minutes, on peut dire, la partie jusqu'au but sud-africain. Donc, c'est complètement justifié. Ils ont eu de très bonnes occasions. Kouné a fait de bons arrêts, notamment en première période. Et c'est pas étonnant de voir le Mexique revenir. Après, ce qui est plus étonnant, c'est qu'ils n'ont pas réussi à prendre l'avantage. Et ils ont même failli se faire surprendre avec un poteau en fin de match. Quoi. Et même à la fin du match, ils étaient contents de repartir avec un partout. Et ils jouaient le match nul à 5 minutes de la fin, alors que les Sud-Africains, eux, ils étaient en train de pousser pour essayer d'aller en mettre un deuxième parce qu'il y avait vraiment la place. Et ils ont failli. Franchement, ils auraient pu perdre 2-1, ça aurait pas été mérité. Mais en même temps, l'Afrique du Sud était la seule équipe à jouer dans les 10 dernières minutes. Parce que le Mexique, ils étaient un peu carbonisés, j'ai eu l'impression aussi. Franco est quand même un joueur emblématique pour eux, mais tu sens que c'est le genre de joueur qui peut pas amener trop de vitesse parce qu'il en a pas lui-même. À 37 ans, il est quand même un peu limité. Quelques kilos en trop aussi, mais une bonne qualité de passe, de frappe, donc il se repose là-dessus. Donc on le rappelle, le premier match de cette Coupe du Monde qui s'est soldé sur un 1-1, et c'était plutôt un match d'ouverture plutôt sympathique, j'ai trouvé. Il n'y avait pas trop de grossières fautes ou de choses comme ça. C'était assez agréable à regarder, de mon point de vue. Ça avait une grosse signification pour le football africain. Tu sens que quand même les joueurs ont pris conscience de ça, puisque même s'ils sont arrivés en dansant et en chantant pour s'entraîner, après ils étaient un peu plus en retrait. Mais non, c'est sûr que c'est un beau match pour commencer. C'est mieux que ce qu'on a eu à la CAN avec un 4-4 assez fou. Là, c'est plus logique d'avoir un partout et ça commence bien. Même si on a eu que deux matchs nuls pour commencer la Coupe du Monde, ça c'est peut-être le petit point négatif. Ouais, moi, ce que j'ai retrouvé, enfin, j'ai beaucoup aimé effectivement ce match, étant donné que c'était dans beaucoup de matchs d'ouverture, c'est souvent assez fermé et ça se joue sur pas grand-chose. Là, c'était assez ouvert, c'était agréable. Le seul bémol que j'ajouterais, c'est que par rapport à ce qu'on attend d'une qualité de la Coupe du Monde, c'était quand même en dessous, à mon avis, de ce qu'on va avoir par la suite avec l'entrée des grandes nations de football. Alors, on commence la deuxième partie de ce podcast qui concerne évidemment le deuxième match de cette Coupe du Monde et qui opposait la France, nos Bleus, à l'Uruguay. Alors, tout d'abord, Baptiste Arnaud, celui qui veut commencer, un mot sur la compo mise en place par Domenech avec la non-titularisation de Malouda. Préféré à Diaby qui jouait son premier match plein avec l'équipe de France. Qu'est-ce que vous en avez pensé au coup d'envoi? Alors, pour l'arrivée de Diaby, disons qu'elle est là pour revenir un petit peu aux bases de l'équipe de France, c'est-à-dire un 4-2-3-1 qui n'a pas été du tout testé pendant les matchs de préparation puisque c'était... La France joue en 4-3-3 avec justement Malouda et Gourcuff sur la même ligne. Là, cette fois-ci, Diaby a été replacé sur la même ligne que Toulalan, ce qui permettait à Gourcuff de retrouver un peu son poste des Girondins. Et même si Diaby se permettait quand même pas mal de monter, notamment très intéressante sur son côté, mais... J'ai trouvé que c'était quand même une formation assez défensive et ça reflétait un petit peu l'état d'esprit sur le terrain, à savoir une équipe de France qui essaye de avant tout de ne pas prendre de but avant d'essayer d'en marquer. Oui, non, c'est vrai. Après, sur la composition, la présence d'Abou Diaby, c'est dommage parce qu'on se prive de Malouda, mais en même temps, c'est Abou Diaby, c'est un des mecs qui a le plus impressionné durant les matchs et ses entrées en match de préparation. Nicolas Anelka devant, c'est ce qui reste la faiblesse avec Gouvou à droite, c'est quand même pas. On l'a vu, on a eu l'occasion de le voir contre la Chine, contre la Tunisie, contre le Costa Rica. C'est pas ce qu'il faut à l'équipe de France pour être équilibré aussi bien derrière que devant. On a des gros problèmes dans la surface de réparation. On a ils sont comme pris de panique et ils arrivent à rien du tout en ce moment dans la surface de réparation. C'est assez affligeant. D'ailleurs, on n'arrive plus à marquer de but quasiment. Anelka décroche, donc il n'est plus dans la surface, et quand il décroche, il va sur le côté, il centre, et il n'y a plus personne dans la surface, puisqu'il est censé y être. Lui, il décroche, mais il faudrait que quelqu'un vienne dans la surface pour compléter, mais en même temps, si tu fais venir Ribéry ou Gouvou dans la surface, tu perds quelqu'un à droite ou à gauche, enfin, il ne devrait pas décrocher autant, et en même temps, je le comprends d'un côté, parce qu'il n'y a aucun ballon qui arrive à lui, et tout son travail, c'est juste de créer des espaces, et donc de ne pas toucher le ballon, mais d'entraîner des joueurs dans ses faux appels, donc c'est assez frustrant pour lui de jouer ce genre de football, mais c'est son boulot, c'est ce qu'on lui demande. Oui, exactement. Anelka, enfin, à mon sens, n'est pas du tout à sa place dans ce système de jeu, étant donné que lui préfère nettement décrocher, et je pense qu'il est bien meilleur justement en deuxième attaquant ou sur l'aile, comme il le fait à Chelsea. Et là il est pas du tout à l'aise, on le sent. Tous les ballons, quand ils arrivent dans la surface, ils arrivent sur sa tête, et c'est pas un joueur de tête, il a jamais été très bon dans ce domaine-là, et ça s'est vu encore hier. Et quant à Govou sur le côté droit, c'est vrai que pour l'instant, c'est le grand mystère du Domenech, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi il est là et on ne sait pas ce qu'il fait exactement à part du replacement défensif. Et la seule action qu'il a à la 15e minute, d'aller, franchement, il a l'occasion pour tuer le match dès les premières minutes, bah, il ne la met pas au fond. Alors, oui, il rate complètement son geste. Il ouvre son pied, mais je sais pas ce qui lui passe par la tête, parce que mais ça, c'était Govou, non ? Oui, c'est Govou. Oui, c'est ça. Oui, c'était Govou, ouais. C'est ça. Et Anelka, lui, j'ai pas de souvenir, malheureusement, d'action où il aurait pu faire quelque chose, à part une tête où il a essayé de nous faire une tête à l'envers, dos au but, avec un effet rétro. C'était bien tenté, c'est passé très loin. Méconnaissable entre Chelsea et l'équipe de France, ça, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, mais j'ai l'impression, en fait, que les problèmes qu'a rencontré l'équipe de France hier soir, c'est un peu les mêmes problèmes qui reviennent à chaque match depuis qu'on a commencé les qualifications pour cette Coupe du Monde, c'est-à-dire une incapacité à marquer, un manque de créativité permanent pour se mettre dans une situation qui devrait nous permettre de la mettre au fond. Des problèmes récurrents, et je commence à me dire qu'en fait, Domenech, si on passe pas sur deux poules, n'aura finalement jamais réussi à changer la donne. On se crée juste cette espèce de phobie et ce complexe d'aller marquer. En fait, on se le crée tout seul parce qu'on a les joueurs pour. Même tu fais rentrer Gignac, il est capable de le faire. Et lui semble pas se poser de questions quand il est sur le terrain, comparé à un Anelka. Tu sens qu'il, tout le temps dans sa tête, il est en train de se dire « il faut que je marque, il faut que je marque ». Thierry Henry, quand il rentre, il a plus d'envie, je trouve, qu'un Anelka. Donc, y a vraiment des paradoxes dans cette équipe, parce que Govou devrait être quelqu'un en bonne forme. En plus, il faut qu'il monte des choses, parce que je vous rappelle qu'il n'a pas de club. Donc c'est un peu la vitrine en ce moment, et qu'il faut qu'il montre ce qu'il est capable de faire, sinon il repart chez lui à la rentrée. Donc non, on a tout, parce qu'on a Gignac qui pourrait vraiment être bon, et on aurait peut-être dû faire entrer Valbuena, qui était capable d'accélérer un peu le jeu, mais bon, on va rien dire là-dessus. Hein. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment le système de jeu adapté aux joueurs, ou des joueurs adaptés au système de jeu, je crois. C'est-à-dire qu'Anelka, qui joue en pointe avec des joueurs qui font beaucoup de centres. Je rappelle juste pour info qu'on a quand même centré 27 fois au but hier. Et c'est pas du tout adapté, étant donné qu'Anelka n'est pas un joueur de tête. Il aurait peut-être fallu mettre plutôt Henry, qui est bien meilleur de la tête, ou même Cissé, qui a beaucoup progressé dans ce domaine-là. Govou à droite. Normalement, c'est son poste. Effectivement, on a vu pendant les matchs de préparation qu'il n'était pas du tout dans le rythme, pas du tout en forme. Il l'a confirmé malheureusement hier. Et par rapport au côté gauche, Ribéry, qui était bien pendant les matchs de préparation, côté gauche, a été totalement muselé avec toujours deux ou trois défenseurs sur lui hier. Et donc, du coup, forcément, c'était beaucoup plus difficile pour lui de s'exprimer. Et malheureusement, si on prive l'équipe de France de trois éléments ou presque, il se passe plus grand-chose, quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé hier. On a quasiment pas eu d'occasion de but. On n'est quasiment jamais rentré dans la surface de réparation balle au pied. Et les seules occasions qu'on a eues, c'est sur des centres avec des têtes malheureuses d'Anelka et sur des tirs lointains qui ont été, à mon avis, beaucoup trop nombreux et beaucoup trop aléatoire. Il fallait, enfin, Henry dans la surface pour ce qui est des centres aurait été meilleur. Après, le fait de jouer à gauche tout le temps à gauche font que les équipes savent à quoi s'attendre. Elles mettent trois joueurs côté droit sur Ribéry, c'est bon. De toute façon, à droite, on a Govou. Donc, même si, en mettant Anelka, il y aurait vraiment beaucoup plus, à mon avis, de, de ballon qui irait côté droit. Parce que quand même, Sagna Anelka, c'est pas dégueulasse non plus. Ouais. Mais c'est sûr que Sagna ne vaut pas Evra et Anelka côté droit ne vaut pas Ribéry côté gauche. Mais c'est clair qu'au moins, il y aurait peut-être un petit peu plus d'animation offensive. De toute façon, Anelka de lui-même va à droite et s'excentre à droite pour toucher des ballons. Donc ça fait un petit peu doublon avec Gourou, quoi qu'il arrive. Et c'est peut-être le problème, c'est peut-être de remettre Ribéry à droite. Ça, il ne le veut pas, mais c'est peut-être Ribéry à droite et Malouda à gauche, c'est peut-être ce qu'il faut. Mais si vous prenez l'équipe qui était en place hier, qui vous enlevez de cette équipe et qui vous rajoutez? Est-ce que, par exemple, vous faites entrer, par exemple, Djibril Cissé qui n'a pas encore montré quelque chose durant cette Coupe du Monde? Ou qu'est-ce que vous faites dans cette équipe pour essayer de faire un résultat lors du prochain match? Moi, je ferais rentrer Cissé, ça c'est clair, parce que c'est quand même le meilleur buteur français en 2010. Il a marqué 16 buts, toutes compétitions confondues en 2010. Et je trouve ça un petit peu dommage de ne pas lui laisser sa chance, étant donné que ça paraît être le joueur le plus en forme en pointe. Il n'est même pas sur la feuille, a priori. Ouais, en plus, ouais. Bah, en plus, là, étant donné que de toute façon, il veut faire rentrer Gignac et Henry en priorité, c'est clair que ça ne sert à rien de mettre Cissé. Ouais. Mais c'est. Pour moi, il y a deux joueurs qu'il faudrait enlever à cette équipe. C'est Govou d'abord parce qu'il ne sert à rien. Et même s'il fait effectivement un travail défensif, je pense que derrière, on est suffisamment solide. Et en tout cas, je pense que Sagna peut largement compenser sur ce côté-là. Et je mettrais bien soit Gignac, soit Anelka côté droit. Et le deuxième joueur, à mon avis, qu'il faudrait remplacer, c'est Gourcuff parce que Il a montré quand même. Enfin, il n'a pas montré grand-chose justement hier. Il a fait beaucoup de frappes de loin, souvent mal à propos, parce qu'il y avait, bien mieux à faire, des passes, du jeu rapide. Et souvent, c'était un peu le choix du désespoir. Mais justement. Mais le gros problème de Gourcuff, justement, c'est qu'on ne lui donne pas les ballons. Et c'est ça le gros point faible de son équipe, c'est qu'on va se faire par le côté droit. On se retrouve obligé de frapper. Il sait que bon, sa qualité de balle est quand même, de frappe est quand même une des meilleures en équipe de France. Et le problème, c'est qu'en ce moment, il ne fait que des frappes qui partent en drop tout le temps. Mais il n'a pas les espaces et il n'a pas les appels pour essayer de faire quelque chose. Et ce qu'il est capable de faire normalement, c'est de donner les passes. Je pense pas qu'on lui donne les capacités de le faire, et ça, c'est dommage. Puis, Gignac à droite, je sais pas, parce que je pense que Gignac dans l'axe, c'est quand même très très bien, et qu'il est capable, lui, de dans la surface, d'être un peu plus, d'avoir un peu plus de sang-froid que les autres, en tout cas. Et concernant l'Uruguay, qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe? Par rapport à l'Uruguay, c'était une équipe assez décevante. Notamment quand on sait que Suarez et Forlan sont quand même le meilleur duo d'attaquants mondial à l'heure actuelle en termes de buts marqués. C'était un petit peu décevant, mais en même temps, c'était assez prévisible étant donné que derrière, il n'y a pas vraiment pour pourvoyeur de ballon intéressant. Ignacio González a joué 20 matchs sur les deux dernières années, donc c'était un choix vraiment étonnant de le mettre au poste de meneur de jeu de cette équipe. Et puis, bon, Diego Pérez n'est pas forcément connu pour sa relance. Et quant à Evaldo Rios, à mon avis, il était un petit peu léger pour ce niveau-là, quoi. Donc, c'est pas vraiment étonnant qu'ils aient eu très peu de ballons à se mettre sous la dent. Et d'ailleurs, on a vu Suarez a souvent décroché vraiment très, très loin des buts et n'a jamais réussi à se mettre en position dangereuse. On nous a survendu l'Uruguay aussi. Hein. L'Uruguay et le Mexique, on nous les survend depuis 2 mois, donc... C'est pas étonnant qu'on soit un peu déçu vu ce qu'on nous a dit dessus. Après, on savait qu'ils allaient jouer bas, qu'ils allaient jouer la défense et qu'après, avec Diego Forlán et Luis Suárez, ça pouvait partir très, très vite devant. Forlán a eu la balle de match. Ou Abidal, je sais pas ce qu'il fait encore une fois, il attend. Voilà, il a la balle de match, il la met pas. Pour lui, ça va être frustrant parce que c'est quand même son rôle, c'est d'être là au bon moment, au bon endroit. Et il n'a pas été sur ce match-là, même s'il y a quand même des grosses choses, et qu'à chaque fois qu'il y avait une accélération dans le jeu de l'Uruguay, c'était bien Forlán qui était à la base ou à la fin de l'action. Donc, il va falloir une grosse réaction de la part des Bleus s'ils veulent continuer la route en Afrique du Sud lors du prochain match, jeudi prochain. On termine, messieurs, avec 2 mots sur les matchs à venir aujourd'hui. On aura le droit à un Corée du Sud-Grèce, un intéressant Argentine-Nigeria, et surtout le gros match de ce soir, USA-Angleterre. Alors tout d'abord... des petits pronostics rapides. Vos pronostics pour la Corée du Sud-Grèce? Je pense la Corée du Sud. ouais, a priori, moi, je jouerais plutôt la Grèce, étant donné que bon, c'est, normalement, c'est une équipe un peu plus costaud de, que la Corée du Sud. Puis la Corée du Sud n'a pas forcément trop impressionné pendant les matchs de préparation. Bon, la Grèce un peu, vous direz, mais je miserais plutôt quand même sur la Grèce. Argentine-Nigéria. On attend beaucoup de ce match, on attend beaucoup de cette équipe d'Argentine. A priori, c'est eux qui sont les favoris, donc je miserais plutôt sur l'Argentine qui reste notamment sur 5 victoires consécutives. Après, bon, un exploit du Nigeria toujours possible. Il va y avoir du physique. Plateformes, voilà, ça dépendra des plateformes, notamment des attaquants argentins. Je suis pas sûr, moi, d'une bonne entrée en matière de l'Argentine, parce qu'on en parle beaucoup, et que le Nigeria est capable d'être assez fort derrière. Maintenant, oui, ils peuvent gagner, à mon avis, plutôt 1-2-0, mais je ne les vois pas faire un gros résultat contre le Nigeria. Et donc, le dernier match opposera les USA à l'Angleterre. Donc, les USA, qui, on le sait, progressent chaque année, arrivent un peu dans cette Coupe du Monde avec un esprit d'outsider, d'équipe pouvant réaliser un très beau parcours, notamment après leur très belle Coupe des Confédérations. Et ça, donc, c'est contre l'Angleterre, l'équipe entraînée par Fabio Capello, qui, on le sait pertinemment, a tous les moyens possibles pour aller au bout. Qu'est-ce que vous pensez de ce match, messieurs ? Les États-Unis ont effectivement une très très bonne équipe et tous les 4 ans ils montent un petit peu plus au niveau. Maintenant, je pense que l'Angleterre est quand même assez au-dessus, notamment grâce à son sélectionneur Fabio Capello qui est quand même un des meilleurs à ce poste. L'Angleterre reste sur 3 victoires consécutives en match de préparation. Ils ont été assez costauds, ils ont montré vraiment de belles valeurs. Je pense que l'Angleterre devrait quand même s'imposer, même si, à mon avis, ça va être un match assez disputé. Moi, sur l'Angleterre, que je pensais être vraiment un des favoris et une des bonnes équipes de cette Coupe du Monde, le forfait de Rio Ferdinand peut vraiment leur jouer des tours parce que c'est quand même un des éléments importants de l'équipe. Après, je reste sur une victoire de l'Angleterre, mais un match intéressant parce que les États-Unis, on les voit que tous les 4 ans, quoi. C'est la Coupe du Monde. Et à chaque fois, on sent qu'ils ont encore une fois un peu plus progressé. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous les deux énormément pour ce premier podcast Coupe du Monde. Baptiste, on se retrouve, j'espère, demain pour un nouveau podcast. Et Arnaud, on te dit merci beaucoup et à bientôt. Et rendez-vous donc tous sur footballdatabase.eu, le site d'Arnaud sur les données concernant le football depuis très très longtemps. Merci à tous, à demain. À bientôt.